mais elle est partie. C'est bête, mais c'est vrai. Elle était si jolie, je n'oublierai jamais. Aujourd'hui, c'est l'automne et je pleure souvent. Aujourd'hui, c'est l'automne qu'il est loin le printemps. Dans le parc où frissonnent les feuilles au vent mauvais, sa robe tourbillonne, puis elle disparaît. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux pas l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait. Elle était si jolie. Je sais que toi et moi on...